l'occasion du 53e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée, le Forum allemand anti-impérialiste a présenté le 18 courant dans 101 pages d'Internet l'œuvre classique du général Kim Jong-il pour analyser justement l'histoire des idées révolutionnaires de la classe ouvrière précédente et le texte intégral du discours du camarade Kim Jong-un prononcé à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, inaugurant l'âge d'or du mouvement de la jeunesse Kim Il-suniste Kim Jong-liste.